Le comité préparatoire africain pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectusan 2017 est constitué le 6 courant à Addis Abeba, Éthiopie. Pour célébrer significativement 2017 comme une année du grand événement commun de l'humanité, le comité préparatoire a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles pour exalter les espoirs du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un et développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les pays africains et la Corée. Par ailleurs, la cérémonie de constitution du comité préparatoire birman pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectusan 2017 a eu lieu le 5 courant à l'Institut d'homothérapie de Myanmar.